Avoir et être sont comme deux plongeoires à partir desquels vous pouvez plonger. Prenons maintenant un exemple avec être. Comment diriez-vous « tout est vendu » ? Tout se dit « alles ». Alles ist verkauft. C'est ça. Alles ist. Puis vous plongez. Verkauft. Comment diriez-vous « ce n'est pas encore vendu » ? Es ist noch nicht verkauft. Bien. Es ist noch nicht verkauft. Comment diriez-vous « il m'a dit quelque chose » ? Er hat mir etwas gesagt. Bien. Er hat mir etwas gesagt. Oui, à partir de « hat », vous plongez dans « gesagt ». G-E-S-A-G-T. Er hat mir etwas gesagt. Comment diriez-vous « pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» Warum? Warum haben Sie mir nicht gesagt? Oui. Warum haben Sie mir nicht gesagt? Et nous vous l'avons dit. Wir haben Sie gesagt. Nous vous l'avons dit, ça correspond à nous l'avons dit à vous. Wir haben es Ihnen. Ihnen. Ihnen. I majuscule H-N-E-N. Ihnen, c'est vous dans le sens de à vous. Nous l'avons dit à vous. Nous dirons donc wir haben es Ihnen. Wir haben es Ihnen gesagt. Gesagt, oui. Wir haben es Ihnen gesagt. Bien. Et maintenant, comment direz-vous il m'a dit qu'il ne le ferait pas? Er hat mir gesagt. Oui. Er hat mir gesagt, il m'a dit que c'est das. Das qui dans ce sens s'écrit D-A-2-S. Après das, il se passe la même chose qu'après weil. Le verbe est rejeté en fin de phrase. Alors comment dira-t-on il m'a dit qu'il ne le ferait pas? Er hat mir gesagt, dass er es nicht tun würde. Würde, c'est ça. Er hat mir gesagt, dass er es nicht tun würde. Il m'a dit qu'il ne le ferait pas. Et maintenant, comment diriez-vous, il ne m'a pas dit qu'il le ferait? Er hat es mir nicht gesagt. Oui, mais là vous avez ajouté cela. Dites simplement, il ne m'a pas dit que. Er hat mir nicht gesagt. Er hat mir nicht gesagt, qu'il le ferait. Dass er es tun würde. Er hat mir nicht gesagt, dass er es tun würde.